Chapitre 9e. Les malencontreux événements de la soirée se répercutèrent en Catherine comme suit. Elle s'était d'abord sentie mécontente de tout le monde, ce qui avait suscité en elle un ennui morne et un violent désir de rentrer à la maison. Ses sentiments, à son arrivée à Pulteney Street, se résolurent en une faim dévorante et, quand sa faim fut apaisée, en un ardent désir d'être au lit. Ce fut le point extrême de sa détresse, car une fois couchée, elle tomba dans un profond sommeil qui dura 9 heures et dont elle se réveilla parfaitement dispose, avec de frais espoirs et de nouveaux projets. Le premier vœu de son cœur fut faire plus ample connaissance avec Mademoiselle Tilney, et son premier dessein la chercher à cet effet dans la Pump Room ce jour même. Où rencontrer qu'à la Pump Room une personne depuis si peu de temps à Bath? La Pump Room, si admirablement propice aux confidences, où elle avait déjà découvert la perfection féminine sous les traits de Mademoiselle Thorpe, serait, elle pouvait l'espérer, le lieu entre tous favorable à l'éclosion d'une amitié nouvelle. Son plan arrêté de la sorte pour l'après-midi, dès qu'elle eut déjeuné, elle prit Udolphe et s'assit, décidée à rester toute à sa lecture jusqu'à ce que la pendule marquât 1 heure. Cependant, et sans que Catherine en fût importunée, l'habitude, des phrases sans suite fluaient de Madame Allen. Elle ne parlait jamais beaucoup, faute de pensée, et pour la même raison, n'était jamais complètement silencieuse. Qu'elle perdit son aiguille, cassa son fil, entendit le roulement d'une voiture, aperçut une petite tache sur sa robe, elle le disait. Qu'il eût là ou non quelqu'un pour la réplique. Vers 12h30, un violent coup de heurtoir ébranla la maison. Madame Allen courut à la fenêtre. À peine eut-elle le temps de dire à Catherine qu'il y avait à la porte 2 voitures découvertes. James Morland et Mademoiselle Thorpe dans l'une, un domestique dans l'autre. Et déjà, John Thorpe montait 4 à 4 l'escalier et sa voix retentissait. Hey, « Hé, Miss Morland, me voilà! Est-ce que je vous ai fait attendre longtemps ?»« Nous n'avons pu venir plus tôt. Un vieux carrossier du diable a mis une éternité à découvrir quelque chose où l'on put tenir. Et il y a 1000 à parier contre 1 que ce sera cassé avant que nous soyons au bout de la rue. Comment vous portez-vous, Madame Allen ? Un fameux bal hier soir, hein ? Allons, allons, Miss Morland, dépêchez-vous. Les autres sont furieusement pressés de partir. Ils ont hâte de faire la culbute. »« Que voulez-vous dire ? » demanda Catherine. « Où aller ? Où aller ? Eh, vous n'avez pas oublié notre engagement ? N'est-il pas entendu qu'on se promènera ce matin ? Quelle tête vous avez ! Nous allons sur la côte de Claverton. » Il n'avait été question de cela, je me le rappelle, dit Catherine, regardant vers Madame Allen pour prendre avis. Mais vraiment, je ne vous attendais pas. Vous ne m'attendiez pas, en voilà une bonne. Et quel tapage vous auriez fait si je n'étais pas venue ? Le silencieux appel de Catherine à son amie fut vain. Madame Allen, qui ne s'était jamais avisée de rien notifié par un regard, était fort incapable de discerner ce qu'un regard pouvait bien signifier. Le désir que Catherine avait de revoir Mademoiselle Tilney fut à ce moment balancé par son désir d'aller se promener en voiture et lui semblait qu'elle pouvait sans inconvenance accepter la compagnie de M. Thorpe, comme Isabelle acceptait celle de James. Madame Allen gardant le silence, Catherine fut obligée de s'exprimer plus clairement. « Madame Allen, que dites-vous de cela? Puis-je vous quitter pendant 1 heure ou 2? Irai-je? Comme il vous plaira, ma chère, » répondit Madame Allen avec la plus placide indifférence. Catherine sortit vivement faire ses préparatifs. Quelques phrases à sa louange avaient à peine été échangées, après toutefois que Thorpe eut obtenu pour son cabriolet le suffrage de Madame Allen, et déjà Catherine réapparaissait. Madame Allen leur souhaita bonne promenade. Rapidement, ils descendirent l'escalier. « Ma chère âme, s'écria Isabelle, vous avez mis au moins 3 heures à vous préparer. Je craignais que vous fussiez malade. Quel charmant bal hier soir. J'ai 1000 choses à vous dire. Mais dépêchez-vous de monter en voiture. J'ai hâte d'être en route. » Catherine se dirigea vers le cabriolet, mais pas si rapidement qu'elle n'entendit son amie, qui d'ailleurs avait soin de ne pas baisser le ton, dire à James « Quelle délicieuse fille. Je raffole absolument d'elle. » « Ne vous effrayez pas, Miss Morland, dit Thorpe, comme il l'aidait à monter, si mon cheval danse un peu sur place avant de partir. Plus que probablement, il se cabrera 1 fois ou 2, puis restera stupide. Mais bientôt, il sentira son maître. Il est plein de gaieté, folâtre autant qu'on peut l'être, mais vicieux, point. » Catherine ne trouvait pas le portrait bien engageant. mais il était trop tard pour reculer, et elle était trop jeune pour qu'elle s'avouât effrayée. S'abandonnant à son destin et à l'expérience que l'animal pouvait avoir du maître, elle s'assit, et Thorpe prit place à côté d'elle. Tout étant en règle, il dit d'un ton important au domestique qui se tenait à la tête du cheval « Lâchez tout !» Et ils partirent de la façon la plus paisible, sans que le cheval songeât le moins du monde à se cabrer ni à faire la plus modeste caracolade. Catherine se félicitait de l'avoir échappé belle et manifestait son aise avec une surprise reconnaissante. Son compagnon expliqua le phénomène, qui était dû à la manière particulièrement habile et judicieuse dont, à ce moment-là, il avait tiré les guides et manœuvré le fouet. Mais pourquoi, avec un tel empire sur son cheval, croyait-il à propos d'effrayer une voyageuse par la relation des malices de la bête? Sans s'attarder à y réfléchir, elle se réjouissait d'être sous la protection d'un cocher si accompli. L'animal persévérait dans son allure pacifique et ne marquait aucun goût pour les aventures. Catherine, considérant que ce pas débonnaire réalisait pourtant la vitesse terrifique de 10 000 à l'heure, goûtait en toute sécurité le charme réconfortant de l'air frais par un beau et souriant février. Après un silence de plusieurs minutes, Thorpe dit brusquement « Le vieil Allen est aussi riche qu'un juif, n'est-ce pas ?» Catherine ne comprenait pas. Il répéta sa question, ajoutant, pour l'élucider « Oui, le vieil Allen, l'homme avec qui vous êtes. »« Oh, vous voulez dire monsieur Allen ?»« Oui, je le crois très riche. »« Et pas d'enfant du tout ?»« Non, pas un seul. » Fameux pour ses proches héritiers. Il est votre parrain, n'est-ce pas ? Mon parrain ? Non pas. Mais vous êtes toujours avec eux ? Oui, très souvent. Eh, c'est ce que je voulais dire. Il semble un assez brave vieux bonhomme. J'ose dire qu'il a bien vécu dans son temps. Il n'est pas goûteux pour rien. Vide-t-il encore sa bouteille par jour ? Sa bouteille par jour ? Non pas. Pourquoi penseriez-vous chose pareille ? Il est très sobre. Vous n'allez pas imaginer qu'il fut ivre hier soir. Dieu vous aide. Vous autres femmes, vous croyez toujours que les hommes sont dans les vignes, et vous ne supposez pas qu'une bouteille suffise à jeter bas un homme. J'affirme que si chacun buvait sa bouteille par jour, il y aurait 2 fois moins de malades. Ce serait une fameuse chose pour tous. Je ne puis croire. Oh, Seigneur, y en aurait-il de sauve? On ne boit pas dans le royaume la 100e partie du vin qu'il y faudrait boire. Notre climat de brume crie à l'aide. Cependant, j'ai entendu dire qu'à Oxford, on boit beaucoup de vin. Oxford ? On ne boit plus dans Oxford, je vous assure, pas un buveur. Vous y rencontrerez difficilement un homme qui aille au-delà de ses 4 pintes, et encore. Tenez, à la dernière réunion qu'il y eut chez moi, le fait que nous ayons bu en moyenne 5 pintes environ par tête fut considéré comme une chose tout à fait extraordinaire. Il est vrai que mon vin et d'un fameux velours, et que vous ne trouveriez pas facilement le pareil d'Oxford. Vous avez maintenant une idée exacte de ce qu'on l'on boit là-bas. Oui, cela me donne une idée, dit vivement Catherine. L'idée que vous buvez tous beaucoup plus de vin que je ne pensais. Cependant, je suis bien sûr que James ne boit pas autant. Cette certitude provoqua une bruyante et violente réplique, dont rien ne fut clair, sinon les exclamations abondantes, presque des jurons, qui l'ornaient. Et quand ce fut fini, la croyance n'était pas abolie en Catherine, elle était plutôt renforcée qu'on buvait beaucoup de vin dans Oxford, mais que comparativement aux autres étudiants, son frère pouvait se targuer de sobriété. Les idées de Thorpe se reportèrent alors toutes sur les mérites de son attelage. Catherine fut conviée à admirer l'ardeur du cheval et cette relation harmonieuse entre les élans de la bête et le balancement du véhicule. Elle souscrivit à ses opinions. Les amplifier ou les restreindre, elle ne pouvait. Son érudition à lui, son ignorance à elle et tant de volubilité à côté de tant de modestie, étaient pour paralyser toute initiative. Impuissante à innover, elle répétait en écho ce que proclamait Thorpe. En dernière analyse, il fut établi que cet équipage-là était, dans son genre, le plus bel équipage qui fut en Angleterre. Nulle voiture n'était aussi bien entretenue. Quel meilleur trotteur que ce cheval! Et lui-même, Thorpe, apparaissait le cocher par excellence. Alors, Catherine, pour varier la conversation, hasarda. « N'est-ce pas, monsieur Thorpe, vous croyez que le cabriolet de James pourra résister ?»« Résister, Seigneur ! Dites-moi, avez-vous jamais vu si misérable assemblage ? Pas une pièce de l'armature qui soit en bon état. Les roues se sont usées à rouler pendant 10 ans au moins. Et quant au coffre, sur mon âme, vous, rien qu'en le touchant, vous le mettriez en miettes. C'est le plus satané petit rachet qui travaille que j'ai vu. Dieu merci, notre cabriolet est meilleur. Je ne voudrais pas, pour 50 000 livres, être condamné à rouler là-dedans, l'espace de 2 000. « Bonté céleste !» s'écria Catherine, réellement effrayée. « Alors je vous en prie, rentrons. Si nous allons plus loin, il leur arrivera certainement un accident. Retournons, monsieur Thorpe. Arrêtez et parlez à mon frère. Dites-lui le danger. » « Le danger ? Seigneur, quel danger ! Si les voitures se cassent, eh bien, ils se ramasseront, voilà tout. Il y a beaucoup de boue. Excellent pour tomber. Ah, malédiction ! La voiture est assez bonne pour qui sait conduire. Une chose de cette espèce en main sûre roulerait encore 20 ans avant d'être hors d'usage. Dieu vous garde. Pour 5 livres, je la conduirai à York et la ramènerai, et pas un clou perdu. » Catherine écoutait, ébahie. Elle ne pouvait concilier des propositions si contradictoires. Elle n'avait pas grandi dans une atmosphère de bavardage et ne savait pas à quelles assertions oiseuses et à quels impudents mensonges conduit l'excès de vanité. Sa famille était toute de gens positifs qui ne cherchaient pas à faire de l'esprit. Tout au plus, le père risquait-il un calembour et la mère un proverbe. Nul Morland n'avait l'habitude de mentir pour accroître son importance, ni d'affirmer d'emblée pour se contredire ensuite. Quelque temps, elle réfléchit à ce que lui avait dit son compagnon, perplexe, et plus d'une fois, elle fut sur le point de réclamer de M. Thorpe une expression plus claire de son opinion vraie sur le sujet. Elle se contint. Il lui semblait que M. Thorpe n'excellait pas à rendre nettes les choses d'abord ambiguës. Au surplus, supporterait-il que sa sœur et son amie s'exposassent à un danger dont il pouvait aisément les garder? Elle conclut donc qu'il devait savoir la voiture parfaitement sûre et elle cessa de s'alarmer. Lui-même paraissait avoir tout oublié et sa conversation, ou plutôt son verbiage, n'eut dès lors plus d'autre sujet que sa personne et ses affaires. Il parla de chevaux qu'il avait acheté une bagatelle et vendu des sommes incroyables, des matchs de course dont il avait pronostiqué d'un jugement ferme, le gagnant, des parties de chasse dans lesquelles il avait abattu, et sans un coup favorable, plus d'oiseaux que tous ses compagnons ensemble. Et il décrivit telle fameuse journée de chasse au renard où son habileté à diriger les chiens et sa perspicacité avaient réparé les fautes des chasseurs les plus experts. À cheval, sa témérité l'avait jeté dans maint péril. Il était toujours resté sauf, là où se fut cassé les reins tout autre. Si peu qu'elle eut l'habitude de juger par elle-même, et si vague que fussent ses notions sur la qualité de gentleman, Catherine, tandis qu'elle recueillait ses bavardages inexhaustibles, sentait naître en elle un doute. M. Thorpe était-il vraiment aussi agréable qu'on avait dit? Doute audacieux, car ce jeune homme était le frère d'Isabelle, et James lui avait assuré que ses manières étaient pour plaire à toutes les femmes. En dépit de ses cautions, elle n'avait pas tardé à éprouver de la compagnie de M. Thorpe un ennui qu'elle a croissant jusqu'à le retour dans Pulteney Street, un ennui qui ne laissait pas de la mettre en garde contre de si hautes autorités et contre les prestiges de M. Thorpe. À la porte des Allan, Isabelle exprima son regret qu'il fût trop tard pour qu'elle entrât avec son ami. « Il est plus de 3 heures. » C'était inconcevable, incroyable, impossible. Elle ne voulait croire ni sa propre montre, ni celle de son frère, ni celle des domestiques. Toute évidence échouait contre son scepticisme, quand enfin Morland tira sa montre et promulgua l'heure. Dès lors, le moindre doute eût été également inconcevable, incroyable et impossible, mais elle admira encore et encore que 2 heures et demie eussent passé si vite. Catherine fut prise à témoin. Catherine ne pouvait mentir, même pour plaire à Isabelle. Au surplus, celle-ci échappa à la misère d'entendre la voix dissidente de son amie. Elle n'attendit point sa réponse. Ses propres sentiments l'absorbaient toutes. Elle souffrait d'être obligée de rentrer directement à la maison. Il y avait des siècles qu'elle n'avait pu causer un instant avec sa chère Catherine. Elle avait 1000 choses à lui dire. Il semblait qu'elle ne dût jamais se revoir. Ainsi, avec le sourire d'une détresse forcenée et l'alacrité d'un désespoir en façade, elle dit adieu à son amie et passa. Madame Allan, après ses coutumières heures d'oisiveté laborieuse, venait de rentrer. Catherine fut accueillie d'un « Eh bien, ma chère, vous êtes là. » Vérité qu'elle n'avait pas à contester. « J'espère que vous avez fait une agréable promenade. »« Oui, madame, merci. On ne pouvait avoir plus beau temps. » Madame Thorpe le disait aussi. Elle se réjouissait de vous savoir tous à la promenade. « Vous avez vu, Madame Thorpe ?»« Oui, je suis allée à la Pump Room dès votre départ. Je l'ai rencontrée là, et nous avons beaucoup causé. Elle disait qu'on pouvait si difficilement se procurer du veau au marché ce matin. Il est extraordinairement rare. » « Avez-vous vu d'autres personnes de connaissance ?»« Oui, nous avons fait un tour au Crescent, où nous avons rencontré Madame Hughes, en compagnie de Monsieur et de Mademoiselle Tilney. »« Ah, vraiment ? Vous ont-ils parlé ?»« Oui, nous nous sommes promenés au Crescent ensemble pendant 1 heure et demie. Ils ont l'air bien gentils. Mademoiselle Tilney avait une très jolie robe de mousseline à pois. D'après ce que j'ai pu entendre, elle s'habille toujours élégamment. Madame Hughes m'a beaucoup parlé de la famille Tilney. »« Et que vous a-t-elle dit ?» « Oh, beaucoup de choses. Elle n'a guère parlé d'autre chose. »« Vous a-t-elle dit de quelle partie de Gloucestershire ils sont ?»« Oui, mais voilà que je ne m'en souviens plus. Ce sont de très braves gens et très riches. Madame Tilney était une demoiselle Drummond. Madame Hughes a été sa compagne de classe. Mademoiselle Drummond avait une grande fortune et quand elle se maria, son père lui donna 20 000 livres, plus 500 pour acheter son trousseau. Madame Hughes envie toutes les pièces à leur livraison. » Et monsieur et madame Tilney sont-ils à Bath? Oui, je crois qu'ils sont ici, mais je n'en suis pas tout à fait certaine. À la réflexion, pourtant, je crois me souvenir qu'ils sont morts tous deux. Au moins la mère. Oui, je suis sûr que la mère est morte. Car madame Hughes m'a dit que monsieur Drummond avait donné à sa fille, quand elle se maria, une très belle parure de perles. Et mademoiselle Tilney la porte maintenant. On l'avait mise de côté à son intention à la mort de la mère. « Et M. Tilney, mon danseur, est-il fils unique ?»« Je ne saurais être affirmatif sur ce point, ma chère. Je crois vaguement qu'il est fils unique, mais quoi qu'il en soit, c'est un jeune homme accompli, prétend Madame Hughes, et qui ira loin. » Catherine ne posa pas d'autres questions. Elle en avait entendu assez pour comprendre que Madame Allen était incapable de donner un renseignement topique, et elle était particulièrement malheureuse d'avoir manqué une rencontre avec le frère et la sœur. Si elle l'avait prévu, rien ne l'eût décidé à partir avec les Thorpe. En l'état des choses, elle ne put que gémir sur sa malchance et rêver à ce qu'elle avait perdu, tant qu'à la fin il fut clair pour elle que la promenade n'avait été agréable en aucune façon et que John Thorpe lui-même était un bien fâcheux personnage.